Donc, on est présentement avec André Gladu, cinéaste documentariste indépendant. Une discussion qu'on va avoir dans le cadre d'un festival, le Festival Trad Montréal, qui a lieu du 31 août, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 4 septembre. André Gladu va présenter deux de ses films, des nouveaux films, Excusez-la et L'autre bout du monde, le 3 septembre à 16h. Salut André, comment ça va? Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, puis je heureux de pouvoir parler de ces deux films-là qui sont sur des chanteurs traditionnels de la Naudière, parce que les dernières années, j'ai fait comme tout un cycle dans la Naudière, à la fois au camp de violon trad à Saint-Côme, à la fois avec le Centre du patrimoine vivant de la Naudière, qui était à Saint-Côme aussi. On a fait le chant du monde avec eux, qui était sur des chanteurs, et aussi Matawini, avec des artisans puis violonneux que tu as peut-être vu. Et puis plus dernièrement, on a fait quelque chose sur la chanson en fait avec le Crapaud et le directeur du Crapaud, qui est le centre régional sur le patrimoine vivant, qui était à Saint-Jean-de-Matha puis qui était à Saint-Félix-de-Valois maintenant, Jean Desrochers, était aussi producteur pour les deux films. Donc, c'est grâce à lui qu'on a réussi à trouver un financement pour être capable de financer la production de ces deux films-là. Donc, il y en a un de 20 minutes, excusez-la, qui était tourné au Crapaud dans une veillée de chansons traditionnelles, comme il s'en faisait depuis quelques années au Crapaud. Et puis l'autre bout du monde, qui est tiré d'un commentaire d'un des chanteurs. Ça a été tourné dans une cabane à sucre à Saint-Charles-de-Mandeville, dans le bois, où des jeunes, j'avais appris que des jeunes, pendant la recherche, j'ai appris que des jeunes, vingtaine d'années, des types pas très âgés, se réunissaient l'automne, puis même des fois l'été, régulièrement, une fois par mois, genre, pour se faire des sessions de chansons, juste des chants traditionnels. Pas d'ordinateur, pas d'appareil pour enregistrer, pas de CD, pas de DVD, pas de cellulaire, aucun appareil technique, pas d'électricité, rien. Il apportait à manger, puis il chantait de 8-9 heures le soir à 1 heure du matin. Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis pointé là. J'ai contacté les gens, les propriétaires de la cabane à sucre, la famille Benjamin, François Benjamin, entre autres, puis son garçon, Élie. Un chanteur formidable, c'est lui qui organisait ça, puis c'est lui qui était le leader du groupe qui appelait les Caresseux de bouteilles. Et j'ai commencé par assister d'abord à une rencontre juste comme ça pour voir comment ça se passait sans parler de film. Puis tranquillement, j'ai convaincu de se laisser tourner l'automne qui suivrait. Ils ont accepté, puis en novembre, je crois que c'est en novembre 2015, 30 secondes, si ma mémoire est bonne, je pense. On a tourné avec eux, puis on avait gardé le matériel de côté, puis on l'a monté dernièrement, le printemps dernier, pour en faire ces deux films-là. Donc, il y en a un de 20 minutes tourné au Crapaud, puis l'autre 40 minutes qui est tourné dans Cabane à sucre, où il est venu des chanteurs plus anciens, dont un en particulier. Son nom va me revenir, là, c'est le chanteur principal, en fait, un type de Saint-Charles-de-Mandeville qui vient s'immiscer dans le groupe de jeunes pour ramener les versions plus rares de chansons, mais aussi agir un petit peu comme un conseiller sans le faire voir, quoi. Ces univers-là de chanteurs comme de musiciens, c'est la même chose pour le jazz. Ils fréquentent les plus vieux, des fois, juste pour voir comment les vieux faisaient ça, les anciens, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Puis on l'a interviewé, ce chanteur-là. Le nom va me revenir au fur et à mesure de la conversation. Et c'est lui qui a parlé, qui était sorti de son coin de pays, Saint-Charles-de-Mandeville, puis qui était à l'autre bout du monde pour aller rencontrer les jeunes chanteurs qui, comme lui, aimaient chanter. Et tout ça est fait a cappella. Ce qui nous donne un format de programmation 60 minutes. C'est pour ça que le Festival Trad de Montréal, dont Caroline Bensala a embarqué là-dedans, puis vont le présenter Très précisément, je crois que c'est au début septembre. C'est samedi le 3 septembre, c'est ça, à 4 heures. Donc voilà, c'est les derniers films que j'ai faits. J'ai commencé dans les années 70, moi, à tourner. Oui, c'est ça, avec... c'est quoi déjà, le Reel du pendu, si je me trompe pas? Oui, Le Reel du Pendu, qui est un vieux classique chez les violonneux au Québec, et puis qui existe aussi ailleurs en Amérique, aux États-Unis, même chez les nations amérindiennes, ça existe. Et Le Reel du Pendu, ben, il y a une légende qui est rattachée à ça, comme quoi un violonneux se fait mettre en prison, condamné à mort, puis comme à l'époque, on parle probablement du Moyen Âge, peut-être pas longtemps après ça, là, ils lui ont donné le choix d'une dernière faveur avant d'être pendu, quoi. Et il a dit, ils ont dit pour le provoquer, si tu es capable de jouer du violon, c'est un violon qui est tout brisé, désaccordé, tu arrives à jouer un air qui tient debout là-dessus, tu vas être sauvé de la pendaison. Tu auras sauvé ta vie avec ça. C'est comme ça que le type a composé un air qui aurait un discord. On dit discord, c'est la terminologie que les violonneux utilisent. Ça veut dire qu'il a l'air offbeat, quoi. C'est-à-dire à contretemps, puis qu'il y a une drôle de mélodie, c'est criard et tout, mais c'est un air magnifique. Ça existe, comme je te dis, aux États-Unis, ça s'appelle des Hangman Reel. Et j'ai tourné là-dessus parce qu'il y en avait plusieurs violonneux anciens au Québec, que ce soit dans Charlevoix, au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, un peu partout, qu'ils jouaient cet air-là. Et c'était une façon, j'ai retrouvé la même chose en Acadie, puis une version un peu complémentaire, semblable, qui s'était rendue jusqu'en Louisiane, mais qui s'appelait le Reel du Sauvage perdu, qui est aussi joué par les Cadiens de la Louisiane. Donc, le film, quelque part, Le Reel du Pendu, que j'ai fait en 71, nous parle des liens entre le Québec, l'Acadie, la Louisiane, mais via la musique traditionnelle, qui est un bon lien, un bon ciment entre les cultures. Oui, parce que je parlais avec un historien un peu généraliste dans mon quartier de Huntsic, quartier-ville, le nord de Montréal. Il y a un quartier, il y a une partie de cette place-là qui est assez ancienne. On a la plus vieille église qui est encore debout à Montréal. Elle date de près de 300 ans. Puis il y a une légende autour de cette église-là qu'il y a une pierre qui veut jamais rester dedans. Comme ils ont fait une façade, ils ont caché cette pierre-là, parce qu'à chaque fois qu'ils mettaient une pierre dedans, de ce trou-là, ben, elle se faisait rejeter. Puis il y a toute une histoire d'un cheval qui a comme brisé des pierres, etc. C'est une légende qu'on revoit, qu'on entend à plusieurs endroits au Québec, que justement, ben, dans cette église-là, il y a une pierre qui veut pas rester dedans. Puis aussi, c'est des légendes qu'on peut retracer jusqu'en France, puis ça se passe aussi avec les pompes, tout ça. Donc C'est essentiellement, vrai. le Reel du pendu, c'est comme un mythe qui opère à peu près au même niveau. Oui, tout à fait. C'est ça l'idée. C'est récurrent. Le Reel du Pendu fait référence à une vieille légende, cette idée que des gens ont sauvé leur vie grâce à la musique. On pense aux Acadiens qui ont été déportés à l'époque. Et le mot déporté est un mot gentil. En réalité, c'est un plan d'ethnocide qui a été mis au point bien avant 1755, qui a été fomenté et préparé en 1710, 1720. Ensuite, avec le traité d'Utrecht, ils ont cédé la vieille partie d'Acadie. La France a cédé ça à l'Angleterre. C'est devenu la Nouvelle-Écosse. Et la Nouvelle-Acadie, c'est devenu le Nouveau-Brunswick actuel. Mais, si tu veux, la tradition orale a raconté que les hommes qui étaient déportés d'un côté, acadiens, les femmes d'un autre, les enfants d'un autre, parce qu'ils voulaient séparer les familles, ils les envoyaient d'abord dans les colonies et les ex-colonies britanniques, qui est la Nouvelle-Angleterre actuellement, donc Virginie, les Carolines, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, etc. Et puis comme domestiques, puis des fois quasiment comme esclaves, quoi. Pour briser cette société-là, ils ont pratiqué, les Britanniques, leur technique coloniale favorite, qui est la terre de feu, c'est-à-dire qu'ils brûlent tout, tout, tout. Donc, il n'y a aucune archive, il n'y a aucun document qui est resté, aucune preuve même d'architecture acadienne, franco-acadienne. tout a été brûlé au ras le sol. La seule chose qu'on n'a pas réussi à brûler pendant la déportation, c'est le système d'aboiteaux qui était en Nouvelle-Écosse, dans la baie de Fundy, l'ancienne baie française, et qui couvrait des kilomètres. Alors, si jamais vous avez la chance d'aller à Grand Pré et de monter sur le mont du Nord qui est là, il y a un mont, là, une petite montagne, tu y vois les kilomètres d'aboiteaux qui sont un système de digues très élaboré, et c'est toute la question de la gestion des marais et des marécages. C'est des techniques qui avaient été apprises dans le Poitou, d'où viennent la majorité des familles acadiennes, et puis qui ont été converties avec la réalité des grandes marées de la baie de Fundy, qui sont les plus grandes marées au monde. Donc, ça dégageait l'estran, c'est-à-dire la terre qui est dégagée lorsque la marée est descendante, était énorme. Et les Acadiens avaient mis au point des techniques de digue et de barrage. Et le mot « aboiteau » signifie à la fois tout ce système-là pour endiguer. Et ils ont quoi? 6 heures de temps pour être capables de faire monter leur barrage au final, complètement cimenter et fermer les ouvertures où étaient les aboiteaux. Ils avaient fait les murs à d'autres moments, mais il restait ces entrées-là où se trouve un tuyau avec un système de clapet. C'était en bois, en pin. Ils ont retrouvé ces artefacts-là à Port-Royal. Ils ont retrouvé en Nouvelle-Écosse où étaient les anciens villages acadiens. Ils ont retrouvé jusqu'à Halifax. C'était extrêmement ingénieux et intelligent. Le clapet permettait d'orienter, si tu veux, vers la mer Alors, quand il mouillait puis il pleuvait à marée basse, bon, ben, tout l'eau douce de la pluie dessalait et vidait le marécage au complet. Et puis, une fois qu'il était bien fermé, évidemment, tous ces murs, ces digues-là, et le clapet laissait l'eau s'écouler. Et quand la marée montante revenait, ben, elle poussait sur le clapet, elle fermait, puis elle ne pouvait pas rentrer dans la terre. Elle montait le long du mur en question. Ces murs-là n'avaient pas un pied ou deux, comme on a déjà vu dans des fossés, puis des petits trucs. C'était énorme. C'était une espèce de colmatage fait avec des pierres, du sapinage, de la glaise, du torchis, beaucoup de pierres, évidemment, du sable. Et lors de la déportation, les armées anglaises sont jamais arrivées à défaire ça, si bien qu'ils ont réutilisé, parce qu'ils trouvaient ça superbement ingénieux. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi ils ont été déportés. Les principales raisons économiques, c'est que c'était les plus grands éleveurs qu'il y avait en Amérique du Nord, bien avant les Texans et tout le monde. Leur réputation était connue jusqu'en France, puis même au Québec, à Québec. Les gens de Québec, le gouverneur de Québec allait chercher des bêtes à cornes là, en Acadie, parce que les prés salés qui étaient obtenus grâce à l'assèchement des eaux et le système d'aboiteaux permettaient de faire l'élevage de façon fantastique. Donc, c'était envié par les colonies anglaises et c'était même mis dans les journaux à Boston qu'un jour, on va mettre la main sur ces prés-là, puis on va déloger les Acadiens. Et il y a eu un ingénieur qui est embauché en 1740, peut-être 10-15 ans avant la déportation même, qui est un génocide en soi. Il ne faut pas se compter de peur. Là. Si on avait eu des caméras 16 000 mètres ou des téléphones cellulaires à l'époque, on aurait pu, comme en Ukraine, filmer et enregistrer ce qui s'est passé, les cheveux nous dresseraient sa tête. Mais ça n'a pas été documenté du tout. Ils ont brûlé même les instruments de musique, ils ont brûlé tous les trucs de notaire de manière que ça soit oublié et qu'ils soient déportés et qu'ils prennent leur terre. Mais l'ingénieur qui a planifié cette déportation-là l'a fait de la même manière que les communistes dans l'Union soviétique déplaçaient des populations et les nazis déplaçaient des populations. Il y avait des plans faits pour déplacer les populations juives, entre autres en Europe. Bien, il y en avait aussi des plans comme ça qui ont été faits. C'est documenté. Il y a des cartes aux archives. Tu vois, ils ont fait un relevé avec certains de leurs espions puis de leurs collaborateurs acadiens. Ils ont fait un relevé de toutes les possessions des Acadiens. Et la déportation a été planifiée pour deux raisons. La première, prendre ces terres-là, mais surtout décoller les Acadiens de là qui agissaient comme un tampon entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. Les armées anglaises ne parvenaient pas à franchir les Appalaches et à se rendre dans les maritimes pour aller prendre Louisbourg ou aller se rendre à Gaspé ou en Gaspésie ou à Québec sans avoir affaire aux, aux maquisards et aux résistants acadiens, qui étaient super bien organisés avec les Mi'kmaq parce qu'ils étaient très liés avec eux, même métissés avec eux. Alors, ça a été fait pour ces deux raisons-là, pour pouvoir envahir le Québec, les déplacer de là, mais surtout économiquement, prendre leur place et installer des colons, les planters, ce qu'on appelle, des royalistes qui ont été récompensés de leur service, qui se sont fait donner des terres en Nouvelle-Écosse ou Nouveau-Brunswick. Ces gens-là, aujourd'hui, ne se rendent pas toujours compte. Et évidemment que ce n'est pas raconté dans les maritimes, puis encore moins dans l'histoire du Canada, mais tous ces gens-là sont sur des terres volées aujourd'hui. Si tu vois en Nouvelle-Écosse aujourd'hui, là, chacune de ces terres prospères-là, qui est tenue par des gens du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, des anglophones, quoi, descendants des planters, ils sont sur des terres volées. C'est ça la vérité, quoi. C'est quoi pour toi la question des Acadiens? Pourquoi ça te tient à cœur tant que ça? Les gens en parlent, mais jamais avec autant de ferveur que toi, j'ai l'impression. Ah ben, on a tous entendu parler dans notre enfance la question des Acadiens, puis moi, c'est venu avec mon intérêt pour le cinéma documentaire, puis comme on disait tantôt, mon premier film, Le Ril du Pendu, où j'ai exploré les liens entre l'Acadie, le Québec et la Louisiane, via la musique trad, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis après, avec le son des Français d'Amérique, ben, j'ai réalisé 4 autres films en Acadie, donc 2 au Nouveau-Brunswick, à Acadie, puis à Chipagan, puis également à la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, où il y a une communauté acadienne importante, puis à Chéticamp, au Cap-Breton. Donc, à faire de la recherche, si tu veux, pour les films sur la musique, ben, tu en viens à consulter des historiens, des ethnologues et puis des personnes ressources en Acadie qui sont, je pense à ce type qui s'appelait, j'oublie son prénom, un historien acadien dénommé Brun, et à Charlotte Cormier qui était ethnomusicologue. Je pense aussi au directeur des archives acadiennes du Centre d'études acadiennes, Maurice Basque, il m'a mené d'autres noms, là. C'est Jean-Marie Nadeau. Toutes ces personnes-là m'ont aidé à me faire une idée sur l'Acadie parce qu'on est maintenu comme francophone en Amérique et que ce qu'on soit acadien, québécois ou louisianais ou métis ou franco-américain ou franco-ontarien, c'est toujours pareil, dans une sorte de folklorisation de notre présence en Amérique. Comme si on était là pour des raisons ethniques, puis des raisons qu'on apporte un petit peu de décoration intérieure dans ce continent gris, et puis que c'est comique, l'accent acadien, c'est souvent ça qui est mis en avant. Et puis, on a tendance à folkloriser les Acadiens, alors que c'est un peuple en bonne et due forme, qui était un des premiers peuples qui s'est formé par le fait qu'ils ont été isolés longtemps, mais par le fait qu'ils ont immigré massivement du Poitou avec des techniques, entre autres sur la gestion des marais puis la construction des digues qui avaient été mises au point dans le Poitou. On les voit encore dans le Poitou avec les marais salants. Mais la version acadienne de tout ce savoir et ces pratiques à l'époque qui sont développées au Moyen-Âge grâce aux monastères qu'il y avait, les moines avaient gardé les anciennes techniques qui dataient de très longtemps sur comment endiguer les marécages, parce qu'ils voyaient les populations crever de faim dans ces marécages-là, puis ils voyaient les rois, les princes, les princesses s'entretuer entre eux autres. Puis évidemment, ceux qui passaient au bac en premier, c'était les populations, puis les gens se réfugiaient dans les marécages. On parle du Poitou, là, 14, 15, 16e siècle. Ben, les moines leur ont montré, ils leur ont dit, il ne faut pas rester dans un état de pauvreté, de soumission comme ça. Apprenez à faire de la culture et à développer, à cultiver dans des marécages. Et ça s'appelle faire des digues. C'est vous qui dirigez l'eau et comment l'eau s'écoule ou pas. C'est ces techniques-là, ce génie-là, on peut dire, vraiment parler d'ingénierie, là, de génie. C'est ça qui était apporté en Acadie grâce à ces familles-là, ces colons-là, et c'est eux qui ont mis au point tout le système d'endiguement qu'on appelle des aboiteaux, comme j'ai dit tantôt, qui à la fois veulent dire le système de digue au complet, c'est l'ensemble du système, mais c'est aussi une pièce particulière du système qui permet à l'eau d'entrer et de s'écouler, qui est un tuyau de bois carré ou des fois rond qui a été vidé et qui s'appelle la boîte eau. Alors, pourquoi je m'intéresse à ça et pourquoi j'ai tendance à voir ça de manière des fois un peu dramatique? D'abord, ça l'est, la réalité est dramatique. Il ne s'agit pas juste de vivre là-dedans puis d'oublier le reste, mais de folkloriser la déportation des Acadiens, de faire semblant de l'oublier, de faire comme si tu as juste des guerres entre Français et Anglais. Malheureusement, les victimes collatérales de ça a été entre autres les Micmacs, entre autres les Malécites, les Abénakis et les Acadiens. C'est pas grave, ça compte pas dans notre beau Canada moderne puis nos belles États-Unis. À cette heure-là, on est dans le présent puis on parle plus de ça. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire si on parle plus de ça? T'sais? Moi, j'en parle. Et le dernier film que j'ai fait là-dessus en 2004, c'est Teint à mort. Et on peut le voir sur le site de l'ONF pour ceux que ça intéresse. Et toutes les personnes ressources que j'ai rencontrées à l'époque, y compris Marie-Jo Thériault, qui est une musicienne extraordinaire, sont là-dedans, sont dans le film, une sorte de synthèse de mon point de vue pour le 400e de l'Acadie. J'ai fait ça pour le 400e de l'Acadie. Je ne suis pas Acadien, mais je ne suis pas obligé d'être Acadien pour aimer l'Acadie et être capable d'en parler de manière non paternaliste et non... c'est pas des emprunts culturels, c'est simplement un point de vue sur l'importance de l'Acadie. C'est tout. Si on n'a pas le droit de dire ça, qui c'est qu'on a le droit de dire dans ce plus beau pays du monde, quoi? Ben, c'est ça, parce que quand on parle de la déportation des Acadiens, je pense qu'il y a des chiffres que j'ai vus quand même assez récemment. On parle de dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, là. Ben ça, c'est des chiffres qui datent des années 60. Aujourd'hui, avec les archives, on est rendu à 15 000, 16 000. Et on n'a pas tous les chiffres. Parce qu'évidemment, les Britanniques se sont fait un devoir de tenir aucun chiffre là-dessus. Ils ont eu l'habilité, l'expérience, la colonisation, de s'arranger pour pas chiffrer les dégâts qu'ils avaient faits, quoi. Ça fait que la tâche a été remise aux historiens français, acadiens et québécois d'essayer de trouver exactement le nombre de monde qui ont été déportés et de familles. Mais on est en dessous de la réalité avec les chiffres actuels. C'est plus important que ça. Et ça a été plus violent aussi qu'on le raconte. Et les premières images qui ont été faites sur la déportation sont des peintures puis des dessins un petit peu romantisés, sentimentaux, qui mettaient beaucoup l'accent sur le caractère victimisation et puis le caractère souffrance. Avec tout autour du monde, c'est les plages en train de pleurer, mais tu vois jamais des résistants acadiens s'enfuir. La majorité des Acadiens ne s'est pas fait attraper par les bourreaux de la déportation, si je peux m'exprimer comme ça, tu sais. Ils se sont sauvés dans une communauté Micmac au Nouveau-Brunswick, qui sont cachés en Gaspésie, ce qui explique pourquoi dans Baie des Chaleurs, il y a tant de familles acadiennes, dans la région de Bonaventure, entre autres. On parle souvent de. Ben on parle. On a mentionné qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été brûlées, il y a peu de choses qui sont restées, mais il y a quelque chose qui est resté quand même, j'ai l'impression. C'est comme une tradition orale et une tradition musicale qui vient de l'Acadie quand même. Est-ce que je me trompe? Ben oui, au niveau de la tradition orale, il est né des auteurs importants d'Acadie. Ils comprennent juste Antonine Maillet avec sa sagouine. C'est majeur, ça fait le tour du monde en francophonie. C'est quand même, on peut critiquer et dire que c'est une manière, encore une fois, de folkloriser les Acadiens. Mais si on regarde le côté positif de l'œuvre d'Antonine Maillet, elle a donné une tribune internationale à son personnage qui non seulement exprime des idées importantes au niveau des valeurs sociales, politiques, parce que c'est quelqu'un qui vient d'une classe sociale défavorisée, la sagouine, qui est une domestique, quoi, quelque part, mais comment elle le dit avec son franc-parler et l'accent incroyable qu'elle a, et c'est très clair. Elle fait pas juste s'amuser à avoir un accent bizarre, elle exprime des idées, puis elle exprime la parole du peuple acadien d'une certaine époque. Bon, les Acadiens ne sont plus que ça. Ils sont aujourd'hui des médecins, des avocates. Ils sont des femmes juges, des diplomates extraordinaires parce qu'ils ont tiré leur expérience des leçons importantes, entre autres en Amérique du Nord, puis même au Canada, ils ont agi souvent comme des diplomates importants parce qu'ils ont été amenés à vivre des expériences assez dures et difficiles, ce qui leur a appris à être capable de négocier avec les autres, en commençant par les Autochtones, et avec les envahisseurs, et avec le clergé, et avec les Québécois, et avec les Américains, puis d'essayer de trouver leur place au travers de ça. C'est extraordinaire comme preuve et démonstration de la survie d'un peuple. Et une bonne partie de cette Acadie s'est retrouvée en Louisiane par la suite. Ils n'ont pas été déportés en Louisiane, contrairement à ce qu'on raconte. Ils se sont eux-mêmes rendus en Louisiane, parce qu'à cette époque-là, c'était la dernière colonie française. Il faut comprendre que la Louisiane, le petit État américain qu'on connaît aujourd'hui, comprenait tout le Midwest américain à l'époque. Et ça a été vendu par Napoléon à Jefferson Davis aux États-Unis en 1804. Et les Américains achetant la Louisiane, c'est-à-dire tout le Midwest américain, la côte ouest américaine et le Sud, ça leur a permis de créer avec l'Ouest la République qu'ils sont devenus. Et là, ils ont fourni, si tu veux, ils ont pu se créer un territoire et une force de population, puis une force économique qui a arrêté l'envahissement des Britanniques qui étaient au nord, au Canada, qui cherchaient tout le temps à reprendre leur colonie, quoi. C'est grâce à l'achat de la Louisiane. C'est pour t'expliquer que les Acadiens ont joué un rôle important dans le sud des États-Unis aussi. C'est pour ça que la question acadienne, c'est pas une question folklorique, c'est une question imminemment présente, quoi. Et pour nous, au Québec, ce sont non seulement des frères et des sœurs, les Acadiens, mais c'est un exemple de résistance fantastique et de résilience aussi. Il y aurait long à dire là-dessus. Je ne veux pas qu'on prenne tout notre temps pour parler de ça, mais c'est vrai. Et la tradition orale, c'est l'exemple d'un peuple, comme en Louisiane, mais peut-être plus qu'en Louisiane, qui a su se développer à la fois de manière très savante avec l'université de Moncton. Une drôle de contradiction du nom d'un des généraux génocidaires, quoi, qui a déporté les Acadiens. Mais ça, c'est très acadien. Se cacher derrière un bourreau de la déportation pour développer leur propre université. En même temps, l'Université Sainte-Anne aussi, en Nouvelle-Écosse, qui joue encore un rôle important, en particulier dans les liens avec la Louisiane. Il y a beaucoup d'échanges d'étudiants entre les deux. Beaucoup de Louisianais qui ont appris le français grâce à l'Université Sainte-Anne. Enfin, c'est pour te dire que, oui, la culture acadienne a été fabriquée, entre autres, d'une culture savante, puis d'une. Eux aussi se sont mis à l'éducation, sont allés à chercher à bout de bras, puis ont réussi à l'apprendre et à s'éduquer, mais ils ont gardé la force de leur tradition orale aussi. Et ça se voit dans leurs chanteuses, puis surtout leurs poètes. Les poètes sont très représentatifs d'une société. Les poètes acadiens, acadiennes, sont leur parole est extrêmement. Je pense à Georgette Leblanc, je pense à mon ami qui est à Parachois, Herménégilde Chiasson. Il y en a plein d'autres là, malheureusement, je ne tiens pas tout le monde, mais qui sont des poètes importants. Et tu le vois là-dedans, cette harmonie, cette capacité d'avoir intégré tradition orale et littérature savante. Les deux sont dedans. Comme Antonin de Maillet en a fait une démonstration spectaculaire. André, tu as travaillé beaucoup avec le cinéma direct ou dans je dirais, je veux pas dire la mode du cinéma direct, mais le courant plutôt. C'est quoi pour toi exactement le cinéma direct? Parce que je pense que tu as un point de vue assez précis dessus. Bien, d'abord, je ne suis pas un véritable représentant du cinéma direct. Moi, je l'utilise parce que je suis d'abord et avant tout réalisateur. Je ne suis pas technicien, je ne fais pas ma caméra, je ne fais pas ma prise de son et je ne suis pas monteur non plus. J'aurais pu, mais je ne voulais pas faire ça. Je préfère travailler plutôt qu'essayer de devenir un homme orchestre et de tout faire moi-même. Je préférais travailler avec des très, très bons caméramans comme Michel Brault, comme Martin Leclerc, comme Jean-Claude Labrecque, Jacques Leduc, qui sont les super caméramans, tu sais, et du direct. Et puis aussi, des preneurs de son comme Serge Beauchemin, j'ai travaillé beaucoup avec lui, mais beaucoup aussi avec Claude Beaugrand. Et Michel Brault, Claude Beaugrand et moi, on est l'équipe de base qui avons fait le son des Français d'Amérique. Fait que je suis d'abord et avant tout un réalisateur, mais j'aime l'idée du cinéma direct parce que j'ai été formé par les gens qui l'ont mis au point à l'ONF, à l'équipe française dans les années 70, dont Pierre Perrault, que j'ai bien connu, et puis évidemment Michel Brault, que j'ai travaillé 6 ans avec lui, de 1974 à 1980, à faire le son des Français d'Amérique. C'est comme une école en soi, travailler avec Michel Brault. Il a beaucoup plus d'expérience du cinéma que moi. Le cinéma direct, c'est à la fois une technique, c'est à la fois une pratique, c'est à la fois une philosophie, c'est une attitude devant la captation d'images et de sons, quoi. Et il ne faut pas se lancer trop dans des grandes définitions, mais simplement expliquer que ce qui a été décisif dans le documentaire et déterminant, c'était l'arrivée du 16 mm qui a permis à la fois la synchronisation d'images et du son. Autrefois, ce n'était pas synchronisé, ça. Ça fait qu'il fallait tout filmer en fonction de ce que la caméra faisait, et c'était jamais synchro en 35 mm. Il fallait ensuite donner l'impression que c'était synchro, comme ont essayé de le faire Gilles Groulx et Michel Brault dans le film Les Racketeurs, qui n'est pas un film de direct, mais qui est un film annonciateur de ce que c'est qu'ils essayent de faire avec le direct. Et pourquoi qu'ils étaient ni plus ni moins obsédés par la question de la synchro? Ben, ils voulaient prendre la parole des gens, donner la parole au monde ordinaire qui n'avait jamais la parole. Il faut comprendre que dans nos sociétés, jusqu'à 1960, les années 60, nous, c'est arrivé avec la Révolution tranquille qui a créé un effet d'une forme de révolution culturelle et économique et sociale avec l'éducation, la santé, la formation de l'État québécois. Mais en culture, nous, on a hérité des dernières trouvailles au niveau des caméras 16 mm, au niveau de la pellicule, au niveau de la légèreté des caméras qui permettait une grande mobilité pour le caméraman, qui souvent était réalisateur en même temps. Alors, les vraies personnes qui ont mis au point le cinéma direct, c'est soit des gens de son, comme Marcel Carrière ou Pierre Perrault, qui venaient de la radio, et qui ont bien compris comment on intégrait l'image avec ça, et ça donnait une dimension extrêmement vivante à ce qui était tourné. Et évidemment, les gens d'image sont arrivés en force avec le 16 mm, puis les caméras Bolex, les caméras Éclair, évidemment, puis après la Hatton, qui était extrêmement légère au niveau de l'ergonomie, à cause du génie de l'ingénieur Jean-Pierre Beauviola, qui avait mis au point une caméra extrêmement bien équilibrée pour l'épaule. Il appelait ça le chat, sa caméra, puis je me souviens qu'il s'était informé auprès de Brault et auprès de Jean Rouch, à savoir comment ils travaillaient, puis Godard, comment ils travaillaient pour, et qu'est-ce qui était leur besoin pour être capable de tenir ça léger, puis être capable de réagir vite. Donc, c'est une technologie, le cinéma direct, une approche des choses, et c'est une approche qui est à la fois technique, parce que ça prend des appareils qui sont capables, la Nagra en son qui a été mis au point par, je crois que c'est M. Koudelski, un Suisse, qui a mis ça au point. Et puis, comme je te dis, M. Coutant, qui a mis au point la caméra Éclair, et puis Bell & Howell aux États-Unis, c'est l'armée américaine qui a mis au point ces petites caméras qui avaient des petites bobines de 5 minutes, 10 minutes. On n'avait pas plus que ça là-dedans. Et ça permettait une grande mobilité, mais soudainement, plus besoin d'un commentaire qui venait de dire que là, il aboutissait dans une île sur le Saint-Laurent et que dans un commentaire semi-poétique, semi-savant, parlait à la place des gens en prenant des fois leur accent. Là, tu pouvais, avec la Nagra et les preneurs de son tels qu'ils étaient formés, comme Beauchemin, Beaugrand et tous les autres que j'oublie là maintenant, mais et les caméramans, ils étaient capables d'approcher près des gens. Et le film où on voit ça s'illustrer puis s'incarner, c'est Pour la suite du monde, de Perrault et Brault. C'est non seulement comme une révolution technologique, mais c'est aussi une approche de mise en scène. Parce que t'es comme Pardon? c'est une approche de mise en scène aussi. Même pas, faut faire attention. Il y a toujours une certaine mise en scène dans l'appareillage du cinéma. Même aujourd'hui, avec un téléphone cellulaire, les gens se mettent en scène un peu devant, ils font des selfies, il y a toujours une forme de mise en scène qui est relativement naturelle. Les gens apprivoisent ces appareils-là. Aujourd'hui, les gens sont pas incommodés, ils vont pas, les femmes vont pas se maquiller ou les hommes vont pas se peigner avant de se prendre un selfie. Mais c'était comme ça autrefois. Aujourd'hui, les gens sont plus conscients de la caméra comme ça. Ils s'en foutent. C'est des images éphémères pour eux. Ça les dérange plus. Mais à l'époque, dans les années 60-70, et surtout quand on l'a pratiqué, nous, de notre côté, avec d'autres cinéastes, on s'entend, là. Je pense à Serge Guiguet, je pense à Lise Bissonnette. Il y a toute une école documentaire, extrêmement forte au Québec. Ben, d'aller voir le monde ordinaire, le monde, simplement le monde, quoi. Autant un juge qu'un ouvrier, puis selon les sujets qui étaient à caractère social ou culturel dans notre cas, avec le son des Français d'Amérique, qui a une dimension sociale très forte, ben, d'approcher les gens, puis de les laisser parler. C'est une forme de démocratie de l'image, si tu veux. Et puis, pour moi, qui n'étais pas d'abord technicien, ça rejoignait quand même mes ambitions, ma vision, puis la mission que je m'étais donnée avec le son des Français d'Amérique, c'était de recueillir une tradition orale en la modifiant le moins possible au moment où on le faisait. C'est sûr que 5 ans avant, quelques années avant, il y avait peut-être des modifications qui avaient été faites avec l'avènement de la télé, de la radio, et puis 5 ans après, les modifications se sont faites encore plus vite. Mais peu importe, quand nous, on a capté nos affaires, c'est un reflet et un miroir de cette époque-là, comment les gens concevaient ce qui était de porter une chanson qui leur appartenait pas à eux en particulier, mais qui venait de bien avant eux, puis qui retransmettait à d'autres, mais en y apportant le grain de sel, parce que chanter, c'est personnifier un texte qui est anonyme, qui veut rien dire tout seul. Tu regardes les paroles d'une complainte, ça veut rien dire. Mais mets ça dans la bouche d'une chanteuse ou d'un chanteur, ça change tout. L'interprète, c'est ça qui donne vie à une chanson. Mais c'est vrai pour n'importe quoi en musique. Et moi, mon exemple que j'aimais beaucoup, c'était le jazz. Le jazz et le cinéma direct, ça se ressemble beaucoup. C'est quelque chose où les gens sont très préparés, contrairement à ce qu'on pense. Et jazzmen, c'est le jazz est quelque chose de très codifié. Le répertoire est connu. Il y a des standards de jazz. Il y a des compositeurs, mais il y a des innovateurs, des gens très, très audacieux en jazz. Ben, il y a la même chose en cinéma direct. Et aujourd'hui, il y a toute une école de jeunes réalisateurs, réalisatrices qui font école aussi. Ils sont aussi forts qu'à l'époque. Mais c'est pour te dire que le cinéma direct, c'est cette tentative et cet effort, en tout cas à l'époque, qui était innovatrice. Et moi, j'ai hérité de ça. Je ne l'ai pas inventé, rien. J'ai bénéficié de l'élan qui était donné en documentaire à l'Office national du film, par l'équipe française, entre autres, pour faire mes projets de films sur la musique. Et je trouvais que musique traditionnelle, jazz ou cinéma direct, c'est la même chose. C'est d'essayer de capter l'instant présent au moment où le chanteur se met à chanter. Parce que, comme je te dis, regarder une complainte ou une chanson à répondre ou une berceuse dans un livre, ça n'a rien à voir avec l'entendre chanter au moment même où tu le demandes. Il y a un art de l'entrevue qui conditionne et qui prépare la personne à être capable de jazzer, de faire quelque chose de complètement neuf, quoi, au moment. Et faut qu'il y ait une synchro parfaite entre ton caméraman, toi, qui a le lien avec les chanteurs, chanteuses, les musiciens, musiciennes, et avec le preneur de son et l'assistant ou l'assistante. Faut que tout ce monde-là tombe en synchro, comme dans un espèce de moment magique, exactement comme un band de jazz se met à répéter des standards et tout d'un coup, ils se mettent à improviser et faire des solos à gauche, à droite, que ce soit la guitare, la clarinette ou la trompette. Mais c'est du neuf qu'ils sont en train de faire avec des choses connues. Et c'est ça le jazz, comme le cinéma direct, c'est 2 pas en arrière, 1 pas en avant. Comme quand les enfants apprennent. Ils reculent, ils régressent, puis hop, ils font un nouveau pas en avant. Ils font du neuf. C'est la même chose. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais le cinéma direct, il ne faut pas trop y mettre de grosses théories philosophiques, trop savantes. C'est très physique. D'abord, il faut être assez en forme physiquement pour pratiquer ça, puis le faire. Dans toutes sortes de conditions, après des heures et des heures de voyage, puis être capable, sans avoir à faire une table ronde, puis des consultations, puis finir, que ton équipe tombe en synchro vite. Mais tu sais, un gars comme Michel Brault, c'est comme un grand jazzman, comme Miles Davis. C'est pareil pour moi dans mon esprit. Tu n'avais pas besoin de faire de dessin à Miles Davis pour savoir quand est-ce qu'il devait faire son solo de trompette. Mais tu n'as pas besoin de faire de dessin à Michel Brault pour savoir que le moment est important et qu'il doit le capter là. Avec ce qui reste sur sa bobine de 10 minutes, avec la bonne lumière, la bonne ouverture de lentille et l'attention que ça prend. C'est pour ça que Michel filmait un œil ouvert à l'extérieur puis un œil dans le viseur de sa caméra pour être sûr qu'il faisait bien. Mais l'autre œil où il regardait partout, il regardait les réactions dans l'environnement. Tu essaieras de vivre dans un viseur comme ça, vivre juste une heure ou deux. Bien, Michel arrivait à le faire 4-5 heures de temps dans une journée. Claude Beaugrand, la même chose avec ses écouteurs. Tu vivras 5 heures de temps dans un endroit qui t'est étranger, juste avec des écouteurs et un micro. Il faut être capable de le faire. On oublie ça, que la technique, c'est un couteau de très, très physique. C'est ça qui se passe entre nous. Cette espèce de symbiose, de fusion qui se retrouve dans différentes formes d'art, d'expression, pour essayer de capter l'instant présent. Quoi. Mais c'est très planifié et préparé, ça. C'est ça que tu veux dire par la mise en scène. Ce que je voulais dire plus précisément par la mise en scène, c'est que ça prend quand même un saut genre conceptuel quand même du cinéma pour passer d'un vieux genre documentaire rigide avec une voix justement qui est pas comme une voix d'une personne qui est là à la caméra et commencer à s'immiscer dans des milieux et montrer non seulement de loin des images, mais comme la présence d'un endroit. C'est un art comme un autre, ça. C'est une pratique. T'sais. C'est comme l'entraînement d'un sportif de haut niveau, mettons. T'sais, on les voit, les coureurs de fond, on les voit, les joueurs de hockey, on les voit, les femmes au tennis qui excellent, et puis dans d'autres sports, ben, ils ne mettent pas ça au point du jour au lendemain. T'sais. C'est les années de pratique, l'intelligence qui est mise, le fait d'avoir été coaché de façon intelligente, d'avoir appris. C'est pour ça que c'est important d'avoir une tradition dans ta cinématographie. Il ne faut pas avoir à réinventer tout à zéro. L'audace, ce n'est pas de refaire tout à zéro, c'est de partir de où est-ce que les choses en sont pour faire du neuf. Et les meilleurs innovateurs que j'ai vus, moi, dans toutes les formes d'expression artistique, c'était des gens extrêmement savants dans leur domaine. Ils savaient très bien qui les avait précédés, qui travaillait à l'étranger dans le même genre. Je veux dire, Michel Brault est en contact régulier avec Richard Leacock à Boston, et avec Jean Rouch en France, et avec d'autres à travers le monde, parce que tous ces gens-là s'observaient et étudiaient leur travail, quoi. Alors, si tu veux, pour s'immiscer et tomber dans ce qu'on appellerait de l'intimité, ou un témoignage, ou quelque chose d'authentique, de véridique, mais c'est un mélange de c'est pas rien que la caméra qui fait ça, c'est pas rien que le son qui fait ça, c'est pas rien que le montage, c'est aussi l'entrevue, et c'est le mélange de ça. C'est pour ça que je te dis, c'est une forme de chorégraphie de l'instant présent où on tombe tout en synchro. Ensemble, en écoutant Madame Georgiana Audette à l'île d'Orléans nous parler de comment elle voulait sauver ses danses de quadrille, Michel Brault tombe en amour avec elle puis qu'elle la trouvait super courageuse et intelligente. Moi, j'avais préparé le terrain et je la trouvais formidable de se battre pour des vieilles danse de quadrille, puis elle était tough avec ses musiciens, puis exigeante. Je l'admirais. Claude Beaugrand l'écoutait parler avec ses écouteurs. Il la trouvait formidable. Elle chantait des extraits de chansons de son père. Puis le monteur, André Corriveau, qui était génial, a su comment parler de toute cette matière qu'on a tournée au Château Bélair, à l'île d'Orléans, sur la sauvegarde des danses de quadrille, en mettant un moment avec elle à l'image, des fois en voix off, des fois M. Rouleau, le violonneux, d'autres fois les danseurs. C'est ça l'art du montage, c'est un travail de recomposition de la réalité. Parce qu'on ne capte pas juste la réalité, on capte les éléments de la réalité et on la recompose. Parce que par définition, le cinéma, c'est une réduction, pas dans le sens péjoratif. Mais l'art cinématographique, c'est de parler d'une tradition de plusieurs centaines d'années dans une histoire de l'île d'Orléans qui est aussi vieille, avec des gens qui ont une vie et qui font au moins 80 ans chacun, tout ça en 20 minutes. C'est un tour de force, c'est difficile à faire. C'est pas tellement que c'est difficile de filmer les gens, mais c'est difficile de bien faire. C'est difficile de rendre l'esprit des gens, de leur donner la parole pour les bonnes raisons, de bien composer ça au montage, d'avoir la bonne prise de son. Pour moi, Madame Audette, pour reprendre son exemple à l'île d'Orléans, dans le film La Révolution du dansage, qu'on peut voir sur le truc de Québécois, éléphant, là, parce qu'ils ont été tous renumériser et restaurer les 27 films du son des Français d'Amérique, bon, ben, il faut que la prise de son, au moment où Mme Audette dit quelque chose d'intelligent, ben, qu'elle ait été bonne. Et puis que Claude Beaugrand soit attentif, parce qu'il ne l'est pas. Puis elle dit quelque chose d'important off-caméra trop loin ou off-micro, mais on le perd. Donc, il faut que tout le monde soit attentif. Tout le monde. Tout le monde. C'est un travail d'être attentif et de créer un lien de confiance avec celui que tu filmes ou celle que tu filmes. Et puis, une fois le lien de confiance, d'arriver à faire disparaître le cinéma. Contrairement à d'autres métiers, nous, c'est un gros notre métier, il faut qu'on fasse, on rende le cinéma invisible pour que la réalité, les gens prennent le dessus. Parce qu'on est là avec des mouvements de caméra inutiles pour essayer de faire smart ou des effets au son ou des bandes sonores multiples, n'importe quoi. Tu finis par montrer du cinéma puis on oublie la réalité des gens qui est là. Alors que nous, on avait la prétention ou la naïveté de penser que ce que les gens avaient à dire, donc de chanter ou de jouer, était plus important que les effets qu'on pouvait faire. Donc, ce n'est pas un travail sur les effets, c'est un travail sur la véracité des choses, l'authenticité des choses. Et ça, c'est un art. Ouais, je voulais le mentionner, tu l'as fait avant moi, l'aspect de confiance, quelque chose qu'on peut aussi probablement retrouver avec la métaphore de jazz. T'sais, les musiciens de jazz, il faut qu'ils se fassent confiance entre eux-mêmes pour être capables de comme produire comme un moment qui est transcendant, autant que toutes les personnes qui travaillent ensemble en cinéma direct doivent comme savoir faire confiance à chacun des membres de l'équipe pour être capable de capturer le bon moment, et que aussi les personnes qui sont filmées soient en confiance avec l'équipe qui les capture pour qu'ils soient capables de rendre justice à ce qui se passe présentement. Exact. Tu l'expliques très bien, c'est ce lien de confiance qui n'est pas juste entre moi et la personne interviewée, elle est entre mon équipe et ces gens-là. Elle est à l'intérieur des gens. Est-ce qu'ils ont confiance qu'ils vont être capables de jouer tel gig au complet, tel que son père le jouait? Je pense à M. Boudreau, Louis Boudreau à Chicoutimi, qui jouait le répertoire de son père, puis qui disait « Ouais, mais si tu avais entendu mon père, il était bien meilleur que moi. » La réalité, c'est qu'il était meilleur que son père. Mais ça fait partie des protocoles de la tradition orale de toujours donner le crédit aux gens qui nous ont précédés. D'où l'expression que j'ai utilisée comme titre d'un de mes films, que les chanteurs utilisent quand ont fini, « Excusez-la ». « Excusez-la », ça veut dire « Excusez-moi d'avoir pris la parole, d'avoir osé chanter, alors que mon père, ma grand-mère, ma tante chantaient beaucoup mieux que moi, mais moi, j'ai osé le faire. Donc, excusez-la. On aurait pu faire mieux. » Mais en réalité, la personne vient peut-être de chanter bien mieux que sa grand-mère, son grand-père et d'autres. Tu comprends? Il ne faut pas mystifier là-dedans. Ça joue d'un bord comme de l'autre. Mais c'est beau, cette expression-là. Excusez-la. Ça n'existe pas en art savant. Le monde en art savant ne s'excuse pas du tout. Il fait autre chose, tu sais, je ne critique pas ça. Là. Mais c'est beau, dans la tradition, de comprendre que tu as ta place, mais aussi, il y en a d'autres qui sont venus avant toi. C'est un peu ça que tu exprimes avec genre, l'idée du cinéma direct qui est comme sur les épaules des géants aussi, qui est bâti sur de la tradition qui précédait. Oui, bien, ils ont appris des autres, hein, puis ils ont innové à leur façon. Le bout de chemin que tu fais dans vie, dans ton entourage, avec ta famille, tes amis, et que tu fais professionnellement, mais c'est ce bout-là qui reste après. C'est comme au niveau de la langue, quoi. Qui enrichit la langue? Bien, tout le monde. Autant des ingénieurs, des mathématiciens, des sociologues, des psychologues, que des poètes. Tout le monde enrichit la langue. Mais tu sais, quand un poète comme Vigneault apparaît dans le décor pendant 70 ans et qu'il est actif et qu'il se renouvelle tout le temps, c'est un cadeau de la vie. Tu sais, regarde les Autochtones, comment ils fonctionnent. Là. Ils savent quand il y a un ancien ou une ancienne là, qui a des paroles sages et a des suggestions à faire à la communauté et ce qu'on appelle, ce que les Français et nos ancêtres coureurs de bois appelaient un homme ou une femme de médecine, qui est devenu le calque anglais de... En fait, c'est un calque du français, medicine man ou chaman. Mais à l'époque, dans les premiers textes, c'est en français que ça s'est dit. C'est pas les Amérindiens qui ont appelé ça comme ça, c'est les premiers coureurs de bois puis les premiers... Français qui ont traduit à la lettre l'expression que les Abénakis, les Montagnais ou les Algonquins utilisaient, qui était homme de médecine, femme de médecine, parce qu'il y en avait aussi. Ça veut dire, personne qui a des paroles sages. La guérison, c'est pas juste un truc physique, c'est psychologique aussi. Tu soignes l'esprit de ton peuple et l'esprit des gens. C'est ça que Vigneault a fait. C'est pour ça qu'il est à sa façon, et s'il entend ça ou il entend parler de cette émission-là, puis il apprend qu'il s'est fait traiter medicine man ou homme de médecine, ben il devrait être fier de ça parce que c'est exactement ce qu'il a fait. J'avais juste une petite dernière question, peut-être un peu philosophique à propos du cinéma. Moi, souvent, dans mon analyse des choses, je suis un peu plus intellectuel, peut-être des fois dans le ressenti, puis des fois non, mais j'ai souvent l'impression que c'est impossible de capturer l'entièreté d'une personne avec le cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré, toi, dans la pratique du documentaire? Y a souvent un petit quelque chose au moment qui va t'échapper? Oui, par définition, tu as tout à fait raison. Et ce n'est pas une tare, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça fait partie de l'ordre des choses que de savoir que c'est une quête continuelle, essayer de témoigner de la réalité, que ce soit pour les scientifiques, essayer de comprendre comment ça marche, l'univers. Les journalistes essaient de comprendre comment ça, qu'il y a des guerres, comment ça, qu'il y a un conflit social. Le psychologue ou le psychiatre ou le psychanalyste essaie de comprendre comment ça se passe dans la tête des gens. Les médecins et les chercheurs, tu l'as vu avec la pandémie, essaient de comprendre comment ça marche. Et il y a toujours des bouts de la réalité qui leur échappent. C'est jamais définitif. Alors, si on traduit ça dans notre métier, à nous, comme documentaristes, c'est rare que tu vas entendre une documentariste ou un documentariste prétendre qu'ils ont capté toute la réalité. Parce que c'est ça la beauté de la chose. C'est par définition, on n'arrivera pas à tout capter du violonneux ou de la violonneuse avec qui on travaille. Et puis, on sait qu'il y a des affaires qui nous échappent. C'est pas dit comme tel et annoncé dans le film, mais tout le monde le sait. Et tout le monde accepte ça. Sauf que l'effort que le ou la cinéaste a fait pour essayer d'aller chercher un pan de la réalité, puis d'une réalité qui est en train de s'étioler, peut-être l'autre bord, les chansons, peut-être ça prenait plus dans un milieu, puis on a tout d'un coup un dernier témoignage d'une complainte ou d'une chanson qu'on n'entendra plus, mais cet effort-là est louable et accepté par tout le monde. On dit quand même, il nous l'a montré, tu sais. Le cinéaste nous l'a montré. Et tu recomposes le reste. Ça fait appel à une dernière chose qu'on peut se dire par rapport au cinéma direct, la réalité, mais le cinéma en général. C'est que pour qu'un film, le corollaire de ça, qui est les bonnes nouvelles, c'est pour qu'un film marche, il ne faut pas que tout soit dit. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est justement parce qu'on n'arrive pas à tout dire d'un film, et c'est ça qui est extrêmement important pour les jeunes qui nous écoutent, là, qui veulent faire du cinéma, de se faire confiance, qui n'arriveront pas à tout dire chacun de leurs films. Et ça ne donne rien de bourrer leur film de 1000 informations pour que le monde comprenne donc que c'est important et tout. C'est plus au niveau de la sensibilité que ça se joue. La manière que là où le cinéaste sent les choses, ça va être la manière que ça va passer. Ce qui ne signifie pas qu'on ne doit pas lire, qu'on ne doit pas faire de la recherche, qu'on ne doit pas consulter et s'informer, ça signifie que le cinéma passe par d'autres canaux qu'un canal raisonnable. Ce n'est pas juste mental, le cinéma. C'est au niveau du senti, puis c'est au niveau de l'intelligence des émotions. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de films sur la musique, parce que la musique et le cinéma, ça se rencontre naturellement. Ça joue, c'est les mêmes accords, c'est les mêmes claviers, et puis ça a quelque chose de naturel, si tu veux. Alors, les jeunes qui nous écoutent, là, qui font du cinéma ou qui veulent en faire, il faut qu'ils se fassent confiance dans le sens que qu'ils aient confiance dans ce qu'ils ont à dire. Tu n'as pas besoin de bâtir un manifeste social, faire du cinéma. Tu as juste à développer ta sensibilité, puis tu apprends à équilibrer ça avec un côté pratique, plus pragmatique, un côté plus savant, technique des fois, un côté plus économique. Il ne faut pas oublier l'économie d'un film. L'économie d'un film, c'est bien faire avec peu de moyens. Et puis, tu y arrives. C'est la pratique qui fait la différence. On n'arrive pas à faire un one-shot dans la vie, un bon film, puis ça y est, on est devenu le meilleur cinéaste. Je ne crois pas à ça, moi. C'est une pratique. C'est un entraînement comme un autre. Et c'est parce que le garagiste, ça fait plusieurs autos qu'il répare, qu'il est capable de réparer la tienne. Bien, le cinéaste ou la cinéaste qui fait un bon film, parce qu'il pratique depuis un bout de temps, là. comprends pourquoi c'est pas nécessaire de tout dire dans un film? Parce que tu enlèves sinon la possibilité au spectateur ou à la spectatrice d'y mettre du sien. C'est parce que le film n'arrive pas à tout dire que le spectateur se projette sur l'écran et se voit dans cette réalité-là et la comble et quitte la salle de cinéma ou son écran chez lui en emportant le film avec lui. Si tu dis tout dans un film, pourquoi tu partiras avec le film? Tout a été dit. Pas intéressant. Tu comprends? Moi, je comprends. C'est quelque chose avec lequel je suis. J'aime beaucoup, en fait, des choses un peu plus ambiguës, parce que ça fait juste refléter l'expérience de la réalité en général de toutes les personnes. T'sais. C'est impossible de saisir quelque chose en entier. On n'a pas les bras assez longs. Non, puis ça fait partie de la game qu'on joue, d'être vivant, puis d'essayer de capter les choses, puis d'essayer de le transmettre aux autres. Ça fait. Il faut pas baisser les bras puis dire, ben, on n'y arrivera pas dans ce cas-là, c'est perdu d'avance, c'est pas ça. Mais il faut pas non plus déclarer, m'a tout dit, m'a tout dit, puis j'ai tout dit. Non, faites pas comme ça, là. Tu commences en patin, puis tu essayes de patiner, puis tu tombes, puis tu te décourages, tu feras pas un bon patineur, tu sais. Et les plus grands dans ces domaines-là, souvent ont travaillé fort avant d'arriver à bien patiner. Tu sais, j'ai entendu des grands chercheurs, moi, puis je me demande si, je voudrais pas dire de bêtises, là, mais si Hubert Reeves m'a pas dit ça, justement, qu'il y avait eu de la misère dans ses études avec les mathématiques. Or, c'est un des plus grands mathématiciens aujourd'hui de notre époque. Qu'est-ce que ça signifie? Bien que le processus d'apprentissage de quelqu'un quelque chose de très personnel. Puis des fois, quand on travaille fort, puis on bûche plus que les autres sur quelque chose, on va le retenir mieux, puis on va savoir s'en servir mieux que quelqu'un qui l'avait trop facile en partant. Je ne vais pas tirer de conclusion, mais tu vois un peu à quoi je veux en venir là. Oh oui, c'est sûr, le travail comme paye des dividendes, si on peut dire ça de même, là. Ben, tu sais, faites confiance. Se faire confiance, c'est faire confiance à son travail et aux autres. Ça, c'est l'autre leçon qu'il y a là-dedans, c'est qu'on n'y arrive pas seul dans ces domaines-là. La beauté du documentaire, et en particulier du direct, je le dis en saluant tous mes confrères et mes consoeurs là-dedans, puisqu'il y en a des forts, des fortes dans le domaine au Québec, c'est les Québécois, le gouvernement québécois ne se rend pas tout compte et n'ont pas tout conscience que notre cinématographie, elle est forte, elle se renouvelle. Elle va dans le domaine de l'animation, elle va dans le domaine des nouvelles technologies et du son. Bon, ben, c'est important, tu sais, de comprendre que cette prise de parole-là qui est de notre époque, qu'elle se continue, là, tu sais, et qu'on ne peut pas y arriver tout seul, on y arrive avec les autres. Le travail d'équipe en documentaire, véritable leçon de vie, comme dans le jazz. Pour qu'un trompettiste fasse le smat en avant puis fasse son solo que tout le monde retient, c'est parce qu'il y avait 15 musiciens autour de lui, ou 6 ou 4, selon si c'est un quartet ou un trio, pour mettre en relief le reste de la musique. C'est une question de contexte et de partage. C'est comme ça qu'on entend la voix d'un soliste. Juste des solistes, on va nulle part en vie. Avec tout ce que tu me dis, je suis quand même curieux de savoir, c'est quoi, qu'est-ce que tu as dans tes films préférés comme titre de film à nous suggérer? Oh ben, si les gens vont consulter sur le site de l'ONF, il y en a un qui est à l'affiche que tu peux visionner gratuitement. C'est un des films que moi je préfère parce que j'y ai tout mis de ma personne là-dedans. Ça me ressemble beaucoup au niveau de ma personnalité. C'est Liberty Street Blues que j'ai fait sur le jazz de la Nouvelle-Orléans. Je ne suis pas du tout un fan de jazz, un connaisseur, ni savant dans le domaine, mais me suis retrouvé tant qu'à avoir filmé avec les Cajuns. Et avoir filmé avec les créoles, qui sont les Noirs francophones qui ont fait la musique zaricot, tout ce monde-là a fini par me dire, mais pourquoi tu filmes pas du jazz à Nouvelle-Orléans? Moi, je disais, je suis pas intéressé. Les affaires de touristes, puis de faire du jazz pour vendre pour attirer le touriste à Nouvelle-Orléans, c'est pas mon truc. Ils m'ont tous répondu, tu parles trop vite. Prends le temps de rencontrer les Noirs, la communauté du jazz, va voir ces gens-là, ils m'ont aiguillé vers un type fantastique. Michael White, le plus grand clarinettiste de jazz Nouvelle-Orléans de nos jours. Et c'est avec lui que j'ai fait le film. C'est lui le personnage principal qui est porteur. Et c'est le film qui me représente le mieux. J'ai tout mis là-dedans. Ma conception de ce que c'est qu'être québécois, d'être nord-américain, d'être capable de connecter avec les autres. Après tout, je suis pas né à Nouvelle-Orléans dans le quartier noir, mais j'ai su filmer avec eux et leur donner la parole grâce à Martin Leclerc, le caméraman. Tout Beaugrand, le preneur de son, puis à l'assistante et à la monteuse, Monique Fortier, qui est certainement une des plus grandes monteuses qu'il y a eu à l'ONF en documentaire. Les gens, on ne voit pas son nom souvent dans les livres et tout, mais elle était géniale, elle l'est toujours, Monique, et c'est elle qui a monté tout l'œuvre de Pierre Perrault, il faut le comprendre. Bonne partie, en tout cas, de son œuvre. Enfin, il y en a d'autres, je ne veux pas minimiser le travail de Werner Nold et d'autres, plein qui ont apporté tout le grain de sel, mais on ne peut pas nommer tout le monde. Mais c'est pour te dire que c'est ce film-là qui me représente bien. Après ça, dans le son des Français d'Amérique, là, qui est tout Tremblay. Il y a plutôt de symbolique dans ce film-là. M. Tremblay, qui venait de la Gaspésie, puis qui était caché dans une cabane à sucre à Saint-Basile-le-Port-Neuf, qu'on a rencontré grâce aux gens de la région, entre autres de Pierre Leclerc, qui m'a aiguillé là. C'est un film que j'aime beaucoup, mais j'aime aussi celui sur Marc-Aurèle Fortin, puisque je viens de Sainte-Rose-de-Laval. Marc-Aurèle Fortin, c'est un grand aquarelliste qui a su capter la lumière de la rivière des Mille-Îles puis de l'île Jésus. Et c'est important d'avoir parlé de lui. C'est un film que j'aime beaucoup. Puis, j'aime dans Matawini, Jam en Matawini, parce que il y a les violonneux chez Claude Mété, dont André Brunet, et puis d'autres là, dont j'oublie le nom, là, qui étaient là, puis qui jouaient du violon. Et t'en as un jam de violon qui est un équivalent d'un jam en jazz. Ça se fait en violon aussi. Ça s'appelle Jam en Matawini, ça fait partie du film Matawini, là où les rivières se rencontrent. C'est un nom Atikameg qui veut dire... Les Atikameg, comme souvent les Autochtones, ne sont pas capables de parler d'un lieu fixe. Ils parlent d'un lieu en mouvement. Donc, quelque part, dans la rivière Matawan et puis le Rapide Blanc, ces coins-là, il y a des deux, trois rivières qui se rencontrent. Et cet endroit-là, ça s'appelait Matawan, qui est le nom d'une réserve, mais qui est aussi le nom du comté, la MRC, la Matawini. Et moi, j'ai appelé mon film comme ça, Matawini. C'est à peu près ceux-là. Il y en aurait d'autres. Celui que j'ai fait sur Vigneault aussi, Partager le rêve, un beau portrait de Vigneault, une prise de parole avec Jean-Claude Labrecque. C'est un plan sur Vigneault. Et le plan que Jean-Claude a fait, Labrecque, à la caméra, respire avec les idées qui passent dans la tête de Vigneault. J'ai posé une question et demie, j'ai le fait le reste. C'est pas des films qui sont très distribués, tout ce que je viens de dire, sauf peut-être Tintamarre ou Liberty Street Blues ou Marron, qui ont été faits à l'ONF. Liberty Street Blues, il est sur ma liste de films à regarder parce qu'il est disponible sur l'ONF. Fait que, c'est ça. Je vais aller voir ça très bientôt. Écoute, André, notre meeting tire à sa fin. J'aimerais ça te remercier d'être passé à l'émission. C'était super intéressant. Je parlerai encore un petit peu plus avec toi, mais on a des contraintes de temps.